Page 29, activité 4. Vous allez entendre les phrases suivantes prononcées de trois manières différentes chacune. Écoutez les enregistrements et observez les photos, puis dites qui prononce chaque phrase.